Oui, ben, c'est-à-dire que ça n'a pas tout à fait commencé par le sous-marinier, puisque la première régie à Vincennes, enfin, a été vue, comme tu l'as dit, comme un exemple de télévision scolaire. C'est-à-dire ce qui a été installé à la construction de l'université était du matériel vidéo utilisable que par les techniciens. Donc c'était ce qu'on appelait une régie lourde. En plus, c'était un peu fou parce que Thomson qui avait répondu au marché, et en plus j'ai appris même après qu'il n'y avait peut-être même pas eu d'appel d'offres. Donc, enfin, certains m'ont dit ça, des anciens de l'université, parce que moi je suis arrivé qu'en 73, donc un peu après la bataille. Mais tout avait été pensé comme un studio central, et l'université était câblée, enfin un grand nombre de salles étaient câblées avec des récepteurs dans les salles. Et donc c'était vu comme effectivement une télévision centralisée dans laquelle les profs dans le studio faisaient leurs cours et qui pouvaient être vus par. Donc il y avait tout un système de dispatching pour envoyer l'image dans telle salle ou telle autre salle. Voilà. Donc évidemment c'était du matériel utilisable que par les techniciens, donc pas du tout mis à disposition ni des étudiants ni des enseignants, c'était juste un studio finalement, et c'était avec du matériel très lourd, puisque Thomson avait réussi à placer du matériel qu'il avait raté, un marché qu'il avait raté, donc c'était déjà du matériel démodé. Il a été installé en 69, mais il avait peut-être déjà 5 ou 6 ans d'âge. Donc à l'époque, c'était des caméras mixtes, c'est-à-dire comme à l'époque où ces caméras ont été faites, la vidéo, il n'y avait pas encore de magnétoscope pour enregistrer. Donc le seul moyen de faire du différé, c'était d'enregistrer en film pellicule, en film argentique, en même temps qu'on envoyait la vidéo en direct ou du moins en contrôle. Donc ces caméras avaient le défaut effectivement d'abord d'être énormes, mais aussi d'avoir un prisme diviseur derrière l'objectif qui envoyait la moitié de la lumière sur un capteur vidéo. À l'époque, c'était des tubes Vidicon. Et l'autre partie sur une fenêtre film dans laquelle on mettait du film, et c'était le seul moyen d'enregistrer en fait d'enregistrer le ce qui se passait pour pouvoir le passer en différé. On faisait un télécinéma de ce film pour pouvoir le diffuser en différé. Enfin, un télécinéma qu'on faisait en direct avec le film, évidemment. Et voilà, donc ces caméras-là étaient déjà complètement dépassées sur le plan technique, donc quand elles ont été installées, et évidemment ne correspondaient pas du tout aux besoins qu'il pouvait y avoir dans l'université, à travers les départements d'art, justement, de pouvoir manier soi-même le matériel, la vidéo. Donc il a fallu attendre quelques années pour qu'une part, il y ait un deuxième studio, donc en 1973, un studio avec du matériel plus léger, mais tellement léger que ça devenait aussi invraisemblable. Donc c'était un studio où effectivement les enseignants, les étudiants pouvaient manipuler le matériel eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de films qui ont été réalisés. D'ailleurs, ceux que Jean-Paul Fargier a retrouvés là, bon, c'est un film d'étudiants, enfin des films d'étudiants qui ont été faits dans ce studio qui s'appelait le studio école, puisque ça permettait d'apprendre effectivement aux étudiants à faire de la vidéo. Mais alors là, c'était un autre problème. Le marché, je ne sais pas s'il y en a eu un, mais alors là, on s'est retrouvé avec d'autres problèmes, avec des problèmes de techniques où ces caméras-là étaient recarrossées par Schlumberger à l'époque, une société. Et c'était en fait, enfin je dis recarrossées parce que dedans, c'était les caméras de surveillance, enfin, le type caméra de surveillance. Donc c'était absolument épouvantable sur le plan technique. Avec un mélangeur qui était aussi invraisemblable, donc qui allait très bien pour les caméras de surveillance, pour faire juste du cut entre deux caméras ou trois caméras. Mais là, bon, sans rentrer trop dans les détails techniques, la synchro-ligne, la synchro-trame n'étaient pas liées entre elles, donc il y avait un glissement permanent du signal, donc de l'image, donc erreur de parité en permanence, selon la vitesse du glissement. Il a fallu qu'on commence, nous aussi, à bricoler assez vite, avec mon collègue Philippe Guilbault, à l'époque où on avait une formation d'électronicien. Effectivement, on a commencé par bricoler le matériel qui venait d'être livré, enfin quelques mois après, pour arriver à le mettre à peu près en état de marche. Voilà. Donc on se retrouvait avec un studio quasiment inutilisable parce que trop lourd, et puis un deuxième qui était inutilisable parce que vraiment du matériel correspondant pas du tout à ces besoins-là. Et puis, en plus, bah, effectivement, au début de 73-74, ont commencé à apparaître les premiers magnétoscopes portables. D'abord, le standard Sony CV2100, donc il y a eu des portables de ce standard-là, avec des magnétoscopes de table aussi. Puis, en 74-75, le fameux standard demi-pouce EIRJ, qui là était un standard commun à plusieurs constructeurs japonais. Donc là, ça devenait un petit peu plus sérieux, si on peut dire, puisqu'on pouvait s'approvisionner chez différents constructeurs. Ça devenait vraiment un standard, alors que le premier n'était un standard de rien, c'était un modèle Sony. Mais on a des bandes, effectivement, de ce standard-là, enfin de cette norme-là. Donc il faut retrouver aussi les machines pour pouvoir les relire. Donc voilà, bon, en quelques années, disons que là effectivement, la vidéo était là. Le matériel vidéo a complètement évolué et surtout a pu s'ouvrir sur les tournages qui se faisaient en dehors d'un studio. Mais il n'empêche que le tournage en studio s'est fait surtout dans cette régie école, et Jean-Paul pourra en parler voilà, aussi. Donc c'est effectivement sous la pression des utilisateurs essentiellement d'art, mais pas seulement, puisqu'il y a eu aussi des départements qui n'étaient pas du tout dans l'UFRR, qui ont pu utiliser ce matériel. Donc je pense à Français langue étrangère, avec Annie Guadel, elle a fait des films avec ses étudiants, donc sur Vincennes, sur la défense de Vincennes également, et puis pour défendre aussi son approche de projet pédagogique, etc. Il y a eu le département allemand avec Monica Bolland, il y a Pierre Sorlin en histoire qui a beaucoup travaillé avec la vidéo. Enfin bon, il y a un grand nombre d'exemples de gens qui soit s'étaient équipés de matériel portable même dans leur département, soit empruntaient le matériel au service qui à l'époque était un service central pour toute l'université. Donc tout ça a évolué au fur et à mesure des possibilités techniques, enfin du matériel, sachant qu'avec mon collègue Philippe Guilbault, on avait développé effectivement une activité de laboratoire de recherche en même temps, en plus de s'occuper du service vidéo, dans ce qui faisait dire à Jean-Henri Roger qu'on était bicéphale aussi, puisqu'on avait deux trucs, et sans oublier qu'on était sous-marié, donc ça faisait beaucoup. et voilà, donc on a développé petit à petit des outils qui manquaient un peu, parce que ces matériels-là n'étaient pas vraiment non plus adaptés complètement. Enfin, c'était vu, il faut voir que les matériels même de 8 pouces portables étaient quand même vus comme du matériel grand public. Même si c'était un peu cher pour un particulier, là, c'était plutôt vu comme ça. Donc, rien n'avait été vraiment prévu, c'était plutôt fait pour on enregistre des rushs et puis on regarde ces rushs. Mais le montage, c'est pas vraiment. Alors, il y avait quand même des magnétoscopes de table qui étaient des monteurs, mais il n'y avait rien, aucun matériel prévu vraiment pour faire du montage un peu sérieux, c'est-à-dire un peu précis, minimum précis. Donc, il a fallu essayer de pallier ça. Donc, c'est ce qu'on a fait avec un appareil qu'on a appelé l'éditomètre et qui a permis à beaucoup de gens de. Là, c'est vraiment. On aurait pu épousseter un petit peu. Oui, il aurait fallu enlever la poussière et puis enlever les câbles qui sont autour. Mais ça, c'est vraiment. À gauche, c'est les premiers prototypes du premier éditomètre, mais c'est vraiment les prototypes fabriqués dans le labo. Ça a été commercialisé par la FNAC comme le deuxième modèle. Bon, ça, il n'y a pas eu des quantités invraisemblables, mais enfin, effectivement, ça a permis à beaucoup de gens de faire du montage. D'une manière un peu sérieuse, bon, alors qu'avant c'est quasi impossible, quoi. J'ai vu des gens travailler des nuits entières à essayer de finir leur montage, et ils faisaient ce que j'appelais un montage régressif, c'est-à-dire que petit à petit ils montaient une séquence, et comme c'était pas précis, ça recouvrait la séquence d'avant, donc il fallait remonter la séquence d'avant, et la même chose pouvait se reproduire, et on pouvait revenir comme ça au début du film et tout recommencer. Donc c'était un peu désespérant de voir, en arrivant le matin, de voir des gens qui avaient passé la nuit, finalement, à pas grand-chose, pour pas faire grand-chose. Donc voilà, avec ça, nous, sachant que c'était des magnétoscopes, pour ceux qui le connaissent, complètement manuels, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas télécommandables, on ne pouvait pas envoyer des commandes au magnétoscope pour lui dire de démarrer en lecture, de rembobiner, etc. Donc il fallait une interface, disons, avec l'utilisateur. Donc là, c'était vraiment très simple, c'était un afficheur qui décomptait de 9 à 0, et ça permettait de se caler Exactement, de démarrer le magnétoscope au bon moment. Et si on était bien réglé, on arrivait à monter, peut-être pas à l'image, mais à deux images près. Et, voire mieux si on était vraiment avec des bons réflexes, quoi. Ça remplaçait le chrono des ressouffleurs. Ouais, ouais, voilà. Ça remplaçait la technique du chronomètre, voilà. effectivement, Il y et avait... puis des marques oui, blanches, oui, des là, scotch, mais c'était etc. C'était plus simple. régulier parce que la technique du chrono, on prenait ses repères où on voulait. Des fois, on était à 25 secondes parce qu'il y avait un événement sonore qui était plus facile à immobiliser. Et l'autre 15, puis il y avait 10 de différence, alors il fallait faire partir le premier, voilà, et l'autre 10 secondes plus tard, et donc ils n'étaient plus que 10 secondes, 15, hop, voilà. Oui, mais c'est vrai que bon, ça, c'était une aide voilà, pour être un petit peu plus précis et un petit peu plus rigoureux dans la manière de monter, quoi. Bon, pour ne pas faire des calculs vraisemblables, et puis des marques où forcément, bon, tout ça introduit des erreurs supplémentaires. Bon, là, il y avait quand même effectivement une erreur possible, mais on pouvait arriver à l'éviter si on était bien réglé. Et on montait sur quel magnétoscope? Bah, sur le les premier demi-pouces? édithomètre, on montait sur un demi-pouce. Sur le deuxième, là, c'était pour monter sur un pneumatique, parce qu'on a essayé de régler aussi le problème de la transition, c'est-à-dire que les gens continuaient à filmer en demi-pouce les roches, mais voulaient monter sur pneumatique, puisque là, le signal était quand même un peu meilleur, un peu plus stable, la bande plus large, hein, elle faisait 3/4 pouce au lieu d'un demi, et évidemment, c'était quand même des magnétoscopes un petit peu plus sérieux que les demi-pouces, point de vue qualité du signal. Donc les gens voulaient monter, mais il fallait... Alors là, c'était absolument pas du tout prévu, ça, par Sony, de monter entre un demi-pouce et un pneumatique, puisque là, ils n'avaient que des bancs de montage entre deux pneumatiques et deux monteurs en plus. C'est-à-dire, il y en a un qui servait de lecteur, mais il fallait quand même acheter un monteur. Donc, un magnétoscope plus cher. Donc, nous, on avait, effectivement, on pouvait, avec le deuxième modèle, monter depuis un demi-pouce vers un pneumatique ou d'un pneumatique vers un pneumatique, quoi. Donc, c'était là pour faire la transition entre les deux. Donc, pareil, comme il n'y a eu aucun fabricant pour fabriquer ça en France, c'est la Fnac, alors que ce n'est pas son rôle. À l'époque, c'était Victor Jakimovic qui a dit, qui était le grand patron de la vidéo, disons, institutionnelle à la Fnac, et qui a dit, bah, on va le fabriquer, on est distributeur, voilà. Donc il y a eu, bah, je ne sais pas, des gens qui l'ont acheté parce qu'ils ont trouvé que ça aidait, quoi, ça aidait. Mais enfin bon, c'est un truc un peu ponctuel par rapport à un type de matériel, bien sûr. Mais on a continué après, dans notre activité bicéphale, à développer des prototypes. Des prototypes. Ton armoire est pleine de prototypes oui, encore. Enfin, hein. pleine, oui. Enfin, il y en a un certain nombre, mais j'en ai ailleurs. Bon, il y en a un peu partout. Donc, c'est. Et tu as là, parlé du 1 pouce. Tu as parlé du 1 pouce parce qu'on a eu un pouce à un moment. Oui, mais d'ailleurs, dans une interview, tu parles de 2 pouces. Il n'y a jamais eu de 2 pouces. Mais c'est vrai. Ah, il n'y a jamais eu de 2 pouces dans le premier studio, c'était pas 2 pouces. Dans le premier studio dont je parlais tout à l'heure, c'était, en plus des grosses caméras, Thomson avait installé des Ampex, 1 pouce. C'était des gros, déjà des très gros magnétoscopes, mais 1 pouce. Ce que je vous propose justement, c'est de voir un petit sujet qui vient de la télévision, qui est passé sur Antenne 2 en 1976, et bah, vous allez nous préciser ce qu'on voit justement à l'image, puisque... une devinette. Ouais, enfin, pour vous, ça va être très difficile. Pour nous, c'est une petite devinette. Moi, je pense que c'est le studio lourd. Ben, ça peut être peut-être le studio.